Cinquième partie, chapitre 9, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote, par Saint François de Sales. Cinquième partie, chapitre 9. Des considérations propres à renouveler les bons propos. Après avoir conféré avec votre directeur sur vos défauts et sur les moyens d'y remédier, vous prendrez chaque jour une des considérations suivantes pour en faire le sujet de votre oraison, selon la méthode des méditations de la première partie, soit pour la préparation, soit pour les affections, vous mettant avant toute chose en la présence de Dieu et lui demandant la grâce de vous bien établir en son amour et dans son saint service. Fin du chapitre 9, cinquième partie.